que vous êtes tous vrais. Je sais que vous avez tous faim. Le vent s'est mis à souffler. Et le ciel est devenu noir. Vos murs vont s'effondrer. Car le rap a pénétré en moi. J'espère que vous êtes tous prêts. J'espère que vous êtes tous prêts. Je sais que vous êtes tous là. Vous êtes tous là. J'espère que vous êtes tous vrais. J'espère que vous êtes tous vrais. Je sais que vous avez tous faim. Vous avez tous faim. Le vent s'est mis à souffler. Le vent s'est mis à souffler. Le ciel est devenu noir. Le ciel est devenu noir. Vos murs vont s'effondrer. Vos murs vont s'effondrer. Car le rap a pénétré en moi. J'espère que vous êtes tous prêts. J'espère que vous êtes tous prêts. Je sais que vous êtes tous là. Vous êtes tous là. J'espère que vous êtes tous vrais. J'espère que vous êtes tous vrais. Je sais que vous avez tous faim. Vous avez tous faim. Le vent s'est mis à souffler. Le vent s'est mis à souffler. Le ciel est devenu noir. Le ciel est devenu noir. Vos murs vont s'effondrer. Car le rap va pénétrer en moi. Le soleil a teinté les nuages de pourpre. La nuit tombe sur le CNL, l'atmosphère est louche. Je marche seul dans la street, je sens les basses qui me touchent. Et des milliers de rimes de dingue viennent s'échapper de ma bouche. L'espoir se lit dans mes yeux, marque comme il brille. Sens-tu la trime endurée, alors mec, il est temps qu'on brille. Aucune prétention, aucune flambe, aucune frime. Je fais appel à tous les vrais pour que domine la loi de la rime. Que chaque homme reste à son poste. Que les thugs restent thugs. Et que les boss restent boss. Cessez de vous blaguer, poncaisse, on a les dos. Aujourd'hui tout le monde sait qui est qui sont les imposteurs. Et mes lascars ne sont pas morts, c'était juste un temps mort. On est prêt à combattre et à péter le score. Prêt à contrer les mauvais oeils et tous les sorts. Et même prêt à m'accompagner dans les flammes du Mordor. Ce n'est que le début, en attendant. Au-delà des apparences, entretien avec un empire. Agression verbale, antilope ça. Carlos, Django Jack, Dowman, etc. Nouvelle donne, musique m'a donné carte libre. Pour que je livre, crible de rimes que le monde entier vibre. Sens-tu ce rap dans mon aura et dans mes fibres. Si tu veux, alors tu auras, car la livraison est libre. Grimper à caresser le ciel, et plus encore. Danser avec les âmes, les défaitistes ont tous tort. Même si on veut tous l'or, on l'aura pas tous. J'suis trop de spi, aucun zoulou ne peut stopper ma course. Mon son s'exporte de mon hood à ton hood. De mon quartier à ton quartier et de mon groove à ton groove. Sois blindé, flingué ou misérable. Oh, le carré pour mon nègre, Dieu, c'est bientôt libérable. Oh.